Christ. Verstehe bitte auch den Glauben. Everything is based on him. Den Glauben von Christus Jesus, dass alles auf ihm basiert. Donc comprenez notre foi en fait, notre foi que notre tout ce qui est bien et c'est toujours basé de lui. Whatever is not of him, reject it. Was immer nicht von ihm ist, verweigere es bitte. Donc tout ce qui n'est pas de lui, alors vraiment le rejeter. Praise the Lord. Halleluja. No matter how good it is, it sounds, it smells. Sich anhört oder es riecht, verweigere es. Donc peu importe comment ça s'écoute, ça te semble bien, tu dois vraiment le rejeter. You know they call them good people. Sie nennen sie gut Menschen. Good Muslim. Ein guter Muslim. They are bad Muslim. They are good Muslim. They are good. No good. Once I hear it, I just say bad Satan, good Satan. Bad shit and good shit. They all have different colors. You shit today, shit tomorrow. They all have different colors. Das ist doch alles dennoch das gleiche Mist. Bad shit is shit. Mist ist Mist. Praise the Lord. Bonne personne, bonne chrétienne, mauvaise chrétienne, mais ils ne savent pas que c'est la même chose. Être chrétien, c'est toujours quelque chose de mal, non? Parce qu'il ne s'agit pas du Christ, il s'agit de la religion. Donc, ça ne va pas te changer, ça ne va rien changer, en fait. The colors depend on the food you eat. Let me just leave it. Praise the Lord. Verse 16, please, of 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2, verse 16. He said, for whom had known the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Amen. The heart of Christ, and not good heart. Donc, 1 Corinthiens 2, 16, ça nous fait encore voir qu'il s'agit d'avoir le cœur du Christ et pas un bon cœur. Stop rating people with good heart. Stop it. Zu messen nach ihrem guten Herzen. Donc, arrête de... Oui, de valoriser les gens à travers leur bon cœur. Because the system of Satan and he loves it. Satan, so liebt es. Parce que c'est le système du diable et lui il aime ça. Praise the Lord. Amen. What Jesus will never call good, never call it good. Was Jesus niemals gut nennen würde, nennt es auch nicht gut. Donc c'est que Jésus-Christ ne va jamais appeler bonne chose, faut si jamais l'appeler comme le tituler ainsi. Amen. What they call good heart is based on what they do. Was sie gutes Herz nennen, basiert immer auf dem, was sie tun. Donc, ce qu'eux ils appellent bonne chose, c'est toujours basé à ce qu'ils font. But Christ's heart has nothing to do with what you do. It has everything to do with Christ doing. Amen. Basiert allein auf dem, was Christus Jesus getan hat. Donc, mais le cœur du Christ, c'est toujours basé à ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Praise the Lord. Amen. Christ said. Our body is his temple. 1 Corinthians 3, please. Dass unser Körper sein Tempel ist. Praise the Lord. And that's why sicknesses and disease should not even bother you. Because you know how to take off of his own temple. Sollten uns Krankheiten nicht keine Sorgen machen, denn der Herr weiß doch, wie er auf seinen Tempel Acht zu geben hat. Et c'est pour cela que les maladies ne doivent pas nous faire des soucis. Parce que lui, il sait comment prendre soin de son propre corps. If you are worried, it means you are the one taking care of your body. Wenn du dir Sorgen machst, das heißt. Worried about here, bist du derjenige, der. Two people cannot pay the same price. Körper verantwortlich ist und nicht er, denn zwei Leute können nicht für den gleichen Preis zahlen. Ça signifie que aussi, c'est pour cela, dès que tu commences à te faire des soucis ou bien, à te préoccuper de ton corps, ça signifie que c'est toi qui es en train d'agir et deux personnes ne peuvent pas payer le même prix. That's why he says take no thought because he's the one to take thought. Mm-hmm. Take no thought of anything. Das wird gesagt, er macht euch keine Sorgen, denn er macht sich die Sorgen, er macht es. Et c'est pour cela il nous dit de ne pas se préoccuper parce que c'est lui qui se préoccupe pour nous. That is our faith. Yeah. To depend on him fully. And not half half. And not once you leave here, it's something else again. Nicht sobald du diesen Ort verlässt hier, dann bist du wieder auf dich selbst gestellt. Donc c'est pour cela on doit vraiment continuer parce que il ne s'agit pas de se faire des soucis, oui. 1 Corinthiens 3, verset 16 et 17. 1 Corinthiens 3, 16 et 17. Know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Maybe we should just, I don't know, maybe we just write it and use right here, write it all over the world so that we'll be sleeping inside, so that we understand it. Vielleicht sollten wir mit diesem Vers so die Wände tapezieren, damit wir das niemals vergessen, weil es ist so einfach und so wichtig. Donc c'est pour cela c'est important peut-être pour ne pas on doit vraiment mémoriser ce passage parce que c'est vraiment important de ne pas oublier. Know ye not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defy the temple of God, him shall God defy, destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. Your body belongs to him. It is his property. Is somebody getting it? Then 1 Corinthians 6 also. If you go there. 1 Corinthiens 6 aussi, donc il dit qu'on ne doit pas oublier que notre corps, ça lui appartient, il prend soin de ça, donc ça ne sert à rien à se préoccuper. From 15 to the end. 1 Corinthiens 6, 15 à la fin. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Praise the Lord. Shall I then take the members of Christ and make them the members of the harlot, of an harlot? God forbid. And hallow, both spiritual and physical. Amen. If you are now, if you are worried about things, you are hallowed before him. Wenn wir uns Sorgen machen um Dinge, sind wir Huren vor ihm. Donc, ne savez-vous pas que vos corps ne sont membres du Christ? Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Donc, ça veut dire que quand tu te préoccupes de ton corps, là, tu es comme une prostituée dans, devant ses yeux. We're not here. People always only, you know, God's children, once we are reading, we only understand that of the natural. But that of the spiritual part of you, you don't even go there. It is more of the spiritual than the physical. Are you getting it? To be a harlot before Christ, he does not see you sleeping with men. He sees you rejecting him. He sees you ignoring him. Until you ignore him, you reject him, you can never do that. Und diese Hurerei, die stattfindet, wir schränken das immer nur auf das Physische ein und denken, es geht um die physische Hurerei, dass man mit Menschen schläft und Unzucht betreibt. Aber es geht um diese geistige Hurerei, indem man dem Herrn, nicht auf den Herrn schaut, sondern auf sich selbst, auf seine eigenen Werke. Und das ist das, was wir betreiben, wenn wir uns Sorgen machen und nicht loslassen können. Et quand on dit ici qu'il nous voit comme des... quand il dit les membres d'une prostituée, il ne parle pas seulement de prostituée physique, mais il considère toujours l'esprit. Donc quand tu es en train de le rejeter ou bien tu n'acceptes pas ce qu'il te dit, là tu es aussi une prostituée. Praise the Lord. Il s'agit de l'esprit. Amen. Amen. Verse 16. He said what? Know you not that he wishes join to an harlot is one body, for two said he shall be one flesh, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committed fornication sinneth against his own body. You know, here is more of the spiritual part of it than the physical. Hier geht es sogar noch mehr um den geistigen Teil als um den physischen. Donc ici, il s'agit de la partie spirituelle et pas la partie physique. Amen. Let me just finish it. What know ye not? That your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and you are not your own. You are not your own. Don't you know that you do not own your body any longer? A lot of us think we own our body. Our body belongs to him. You are not, you are here not of here. Please, understand all this. Das musst du verstehen. Donc tu es ici, mais tu n'es pas d'ici. Tu dois vraiment le comprendre. He said, for you are bought, verse 20. For you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Praise the Lord. Donc quand vous avez été racheté à un prix, glorifiez donc, donc Dieu dans votre corps. Amen. Amen. For us, it is more. Here is more of the spirit than the outside. Pour nous, c'est hier mehr, geht es hier mehr um den Geist als um das Äußere. Et pour nous, il s'agit de l'esprit et pas de l'extérieur. You know, the religion today is all about the outside, the fornicate. You know, that message is very. They preach it a lot. Du sollst keine physische Unzucht treiben. Diese Botschaft predigen sie sehr offen und sehr laut. Donc, on ne doit pas. Leur message des gens religieux, il s'agit toujours de ne pas faire la fornication physique. Until you say no to Christ, you cannot say no to the outside. Erst wenn du Nein sagst zu Christus, wenn du nicht Nein sagen kannst, wenn du Nein sagst zu Christus, wirst du auch. Oh, let me say it again. Until you say no to Christ, you cannot say no on the outside. Mm. Wenn du nicht Nein sagst zu Christus, dann wirst du auch Nein sagen können zu dem Fleischlichen. Then you now say yes. First, let me repeat it. Let me say it again, please. Until you say no to Christ, you cannot say no on the outside. Until you reject Christ, you cannot sleep with them. It is the inside that controls the outside. Until you died inside, you cannot die outside. Erst wenn du Christus verweigert hast, dann wirst du in der Lage sein, ich weiß auch, was sie sagt, aber ich kann es gar nicht aussprechen. Erst, wenn man Nein zu Christus sagt, ist man okay. In der Lage, in Unzucht zu leben. Ja. Weil das Christus dir hilft, nicht in Unzucht zu leben. Genau, nämlich Nein zu Unzucht zu sagen. Weil er der Macher ist, der die Unzucht in dir wegschafft. Genau, und erst wenn du im Geist tot bist, dem gegenüber kannst du auch fleischlich gesehen dem gegenüber tot sein. Ja. Donc d'abord tu dois d'abord rejeter la fornication. D'abord quand tu rejettes Jésus-Christ, mais quand tu ne rejettes pas Jésus-Christ, c'est là que tu es capable aussi à ne pas rejeter la fornication. Praise the Lord. Oui, mais tu rejettes d'abord Jésus-Christ, c'est là que tu. Quand tu ne rejettes pas, tu dis non à Jésus-Christ. C'est comme ça que tu dis aussi non à la fornication. Parce que si tu dis oui à Jésus-Christ... Mais, non, mais si tu dis non à la fornication, c'est bien. Oui, oui, oui. Praise the Lord, let me say it again. Quand tu rejettes Jésus-Christ, là, tu n'es pas capable à rejeter la fornication. Fornication, voilà. Praise the Lord. I hope you get it now. Your spiritual world controls your physical world. Deine geistige Welt kontrolliert die physische Welt. Parce que le monde spirituel contrôle le monde physique. No to Christ inside. Then you will now start doing those things. Once you are out of divine, the inside is already out of divine. Wenn du Nein sagst zu Christus im Inneren, dann wirst du auch anfangen, diese ganzen Sachen des Teufels halt anzunehmen, nicht mehr dazu Nein sagen zu können. Et c'est quand tu es en train de rejeter quelque chose à l'intérieur, c'est comme ça que tu es aussi capable à rejeter les choses à l'extérieur. And also saying no to Christ is saying no to God's children. Und Nein zu Christus zu sagen, damit sagst du auch Nein zu Kindern Gottes. Et quand tu dis non aux enfants de Dieu, ça signifie aussi que c'est aussi comme ça que tu dis non. Quand tu dis non à Jésus-Christ, c'est comme ça aussi que tu dis non aux enfants de Dieu. And saying no to God's children, saying no to Christ. Nein zu Kindern Gottes zu sagen, heißt auch Nein zu Christus zu sagen. Et non, de dire non à Jésus-Christ, ça signifie aussi que tu dis non aux enfants de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Ou bien quand tu dis non à Jésus-Christ, tu dis non aux enfants de Dieu. Ou bien tu dis non aux enfants de Dieu, tu dis non à Jésus-Christ. Yeah. Just a few more exact. Romans 10. You know, when you say no to Christ, nein sagst du Christus, quand tu dis non à Christ, when do you say no to Christ? Wann sagst du nein zu quand Christus? Tu dis non. It is when you say no to God's children. Nein sagst du, c'est toujours quand I tu dis non aux enfants de Dieu. C'est comme ça que tu dis aussi non à Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us quickly go through Romans 10. Romans 10. Verse 17. What kind of faith? Gottes Glaube. La foi de Dieu. You know, this Romans 10 is very interesting. It's a faith coming by hearing. Romans 10 lesen auch, dass der Glaube durch das Hören kommt. Romans 10 nous fait voir que la foi vient à travers ce qu'on entend. Romans 10. Romans 10. Romans 10. Verse 17. Verse 17. It says, so then faith coming by hearing, and hearing by the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. What Christ called the word of God, and not what man and religion called the word of God. Was Christus das Wort Gottes nennt, nicht was Mensch und Religion das Wort Gottes nennt. Et quand il dit que la foi vient à travers ce qu'on a entendu, il s'agit de la parole de Dieu, c'est que Jésus-Christ est titulaire comme la parole de Dieu et pas ce que l'être humain appelle la parole de Dieu. Here is really saying faith cometh by hearing the truth. Hier sagt es eigentlich, dass der Glaube durch die Wahrheit kommt. Donc en fait, ce qu'il veut dire spécifiquement, c'est que la foi vient à travers quand on écoute là, on entend la vérité. Faith comes by hearing Christ. Der Glaube kommt, indem wir Christus hören. La foi vient quand on écoute le Christ. Remember, we were in Mark 5. That woman heard of Christ. Die Frau hat von Christus gehört und der Glaube kam. And our religion. Are you getting it? Donc rappelle-toi, on avait parlé de Mark 5. La foi, la femme avec le Seigneur, avec la perte du sang, elle avait écouté. La foi était venue quand elle avait écouté, entendu parler de Jésus-Christ, pas quand elle avait entendu parler de la religion. John 14, verse 6. I am the way, the truth, and the life. Mm-hmm. The truth. Leben, Jean 14, 16. Je suis la vie, la vérité et le chemin. What kind of faith does not come by what man and religion call the word of God? Mm-hmm. You are going to have faith, but religious faith. Mm-hmm. I don't know if you understand it. Die Welt und Religion Gottes Wort nennt, sondern du wirst dann das haben, was sie als Gottes Wort bezeichnen. Donc avec la religion, à travers la religion, tu es capable d'avoir la foi, mais pas la foi de l'Éternel, la foi des religieux, mais pas la foi de la vérité. What kind of faith does not come by what Christianity called the word of God? You can never have Christ's faith through what they call the word of God. You will find the truth. You will find... Are you getting it? You can never get it. Gottes Glauben kommt nicht durch das, was Religion und der Mensch Gottes Wort nennt. Du wirst durch ihr Gottes Wort etwas empfangen, was dafür sorgt, dass du die Wahrheit sogar bekämpfst. Donc la foi de l'Éternel, ça ne vient pas à travers la religion, parce que quand tu as la foi de la religion, tu vas même commencer à combattre la vérité du Christ. We don't hear the same word. Wir hören nicht das gleiche Wort. On n'entend pas la même parole. And that's why our faith is different. Deswegen ist unser Glaube anders. Vu qu'on n'écoute pas la même parole, c'est parce que notre foi aussi, elle est différente. We hear the truth. Wir hören die Wahrheit. They always hear the word. The word of God. What they call the word of God. Was sie das Wort Gottes nennen. Nous, on entend la vérité. Eux, ils entendent ce que eux, ils appellent la parole de l'Éternel. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Again, the kind of faith does not come by what the Christian called the word of God. It comes by what Christ called the truth. That is how you can believe Christ. If not, you can never believe Christ. You will hear the truth. You will fight the truth. You fight those that preach the truth. Gottes Glauben kommt nicht durch das, was Religion und der Mensch Gottes Wort nennt, sondern es kommt durch die Wahrheit von Christus Jesus. Weil wenn du Gottes Wort, das, was die Gottes Wort nennen, annimmst, wirst du anfangen, die Wahrheit zu bekämpfen. Donc la parole de l'Éternel, ça vient seulement à travers la vérité de Jésus-Christ, pas à travers la religion, parce que sinon tu vas commencer à combattre Jésus-Christ. If you allow the word of Christ, the truth, that seed to be planted, you allow it to be planted into you, inside you. If you allow it, because some, you can even go to the church and they will never allow it. For them, it's all about what is outside to be planted into them. I don't know if you understand what I just said. Es kommt darauf an, ob du diese Dinge in dein Herz pflanzen lässt. Donc, il s'agit toujours si toi tu permets oui, que ces choses puissent être plantées dans ton cœur. You know how many people were following Jesus when with that woman, the issue of blood? There were many, but only that woman was healed. A lot of people can be healed, only one be saved. Viele Leute sind Jesus gefolgt, als die Frau mit den Blutungen Jesus berührt hat und geheilt wurde. Aber sie wurden alle nicht geheilt. Sie haben nicht das empfangen, was diese Frau empfangen hat. Genauso können auch viele Leute in einer Gemeinde sein, aber dennoch ist vielleicht nur einer wiedergeboren, nur einer errettet. Dans la situation avec la femme qui saignait, il y avait beaucoup des gens qui étaient autour de Jésus-Christ, mais il y avait seulement cette femme qui a touché l'Éternel avec la main de la foi qui a été capable d'être sauvée, guérie comme ça. Et c'est aussi la même chose dans des églises, dans cette église aussi. Il y a la possibilité que beaucoup de personnes puissent être ici, mais il y aura peut-être seulement une personne qui est sauvée. Parce que If we allow him. Wenn wir jetzt zulassen. Donc c'est à nous de lui permettre. He is not a dictator. He never forces anything. Lui n'est pas un dictateur, il ne force personne. Praise the Lord. In John 6:63, he said, "The word that I speak unto you, the word that I speak, I alone, and not we speak, I." Johannes 6:63 sagt Jesus Christus, die Worte, die ich spreche, er alleine, er Jesus Christus alleine, sind Geist und Leben. Donc, dans Jean, lui, nous fait voir, il nous dit aussi que, encore une fois, que les paroles, la parole que moi je vous parle, donc pas seulement la parole que la religion dit, donc que lui, il nous adresse, c'est ça, ce sont ces paroles qui sont esprit et vie. It is only Christ's word that is the truth. Es ist nur das Wort von Christus, was die Wahrheit ist. C'est seulement la parole de Christ qui est la vérité. Your kind of faith. Gottes Glauben. Donc la foi de l'Éternel. Does not come by hearing Moses. Kommt nicht niemand Moses' word. Das Wort von Mose. Donc la foi de Dieu, ça ne vient pas quand tu tenterais de entendre ou bien d'obéir la parole de Moïse. Your kind of faith does not come by obeying 10 commandments. Gottes Glauben kommt nicht. And all other commandments. 10 Gebote hält. That is not of Christ Jesus. Christ has his own commandment. Christ hat seine eigenen. He says my commandment is just one. Believe me. Mein Gebot ist einfach eins, glaubt an mich. Donc la foi de Dieu, ça ne vient pas quand tu es en train d'obéir tous les commandements de Moïse ou bien des autres commandements que les gens sont en train de dire ici. Non, ça vient, la foi de Dieu, ça vient seulement quand tu obéis seulement à son propre commandement. Et il n'a qu'une seule, c'est quand on croit en lui. Il a dit que mon commandement, c'est que vous puissiez croire en moi. Just to remember his commandment. So my commandment is believe me and be one with one another. If you believe me, then you can be one with one another. Glaubt mir und dann könnt ihr auch eins sein miteinander. That's all, his commandment. Das ist sein einziges Gebot. Donc son seul commandement est de lui croire. Quand on lui croit, c'est comme ça qu'on est capable d'être un avec lui ou bien un l'un à l'autre. And that's why it's a big deal when somebody is not one with us. It's a very big deal. Et c'est pour cela c'est vraiment très une grande chose, une mauvaise chose, une grande chose quand quelqu'un n'est pas un avec nous. First Peter said, "Obey the truth is how we clean our soul, we purify it, and not obeying the word, but the truth." Nicht dem Wort gehorchen, sondern der Wahrheit gehorchen. Et la Bible nous dit aussi, c'est quand on est en train d'obéir à sa parole, à la vérité, c'est comme ça qu'on est en train de purifier notre âme. Il ne dit pas que quand on est en train d'obéir à la parole de Dieu, non, il dit quand on est en train d'obéir à la vérité. Please always learn to separate the word from the truth. The truth from the word. They are not the same. Donc apprenez à séparer la parole et la vérité parce que c'est pas la même chose. Ça peut jamais être la même chose. Jesus did not call them one. The word and the truth. Das Wort und die Wahrheit. Donc Jésus-Christ n'a jamais dit que c'est la même chose. Amen. La parole et la vérité. The old covenant and the new covenant. He did not call them one. The old and the new. Et même l'ancienne alliance ou bien la nouvelle alliance, il n'a jamais dit que c'est la même chose. The old circumcision, he did not call them one. The old and the new, he did not say they are one. The old die alte und die neue Beschneidung. Er hat ganz klar gemacht, dass es nicht eins ist. C'est de la même chose avec la circoncision. La nouvelle et l'ancienne ne sont pas la même chose. So also fasting. Genauso das Fasten. Et c'est la même chose. So also prayer. Genauso das Gebet. Ou bien les prières. Just name them. There are very many. Amen. Amen. The Old Testament and the New Testament. He never said they are one. They are not one. Le Nouveau ou bien l'Ancien Testament, c'est aussi pas la même chose. Donc, toutes ces choses sont totalement différentes. If the Old was perfect, the New will not come. Mm-hmm. If you go to the Hebrew 8, let me just show you one place. Just one place. Because Donc, si l'Ancien était parfait, là, le Nouveau... Ça n'allait pas être nécessaire d'introduire un nouveau. Hebrew 8, from verse 7. Hebrew 8, verset 7. It says, for if the first covenant had been faultless, there should no place have been sought for the second. Are you getting it? For finding fault with them, he said, behold, the days come, said the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Because, you know, the first church, remember the first church, talking about the first church. Amen. Ici, il parle de la première église. Because they continue not in my covenant. And I regarded them not, said the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, said the Lord, I will put my laws into their mind. It's no longer on the stone, but in the heart. Nicht mehr auf Stein geschrieben, sondern Donc il va plus écrire dans des pierres comme avant, mais il va écrire dans leur cœur. Nicht mehr außen auf Tafeln, sondern innen, das Herz. Donc dans le cœur, dans l'intérieur et pas dans l'extérieur. I write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people, and they shall not teach every man his neighbor, and every man his neighbor, saying, know the Lord, for all shall know me. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. From the least to the greatest. Verse 12. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their iniquity will I remember no more. I want to read it to the end. It's almost end. Okay. Verse 13. In that he said, a new covenant, he had made the first old. Do you see there? Now that which decayed and was old is ready to vanish away. I hope you get it. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus never said they are one. Jésus Christ n'a jamais dit que c'est ça. The old life and the new life are not the same. They are never one. Eins. Niemals eins. L'ancienne vie et la nouvelle vie. That's what Christianity is all about today. You can see it. They will say they are born again, but the old life continues. You can see it. If any man be a new man, how do you say it? 2 Corinthians 5, a new creation. All things all pass away. Are you getting it? The old and the new are two different things. They can never meet their parallel lines. Ja, like day and night. Und das Neue können sich niemals treffen, sind es wie zwei entgegengesetzte Bahnen. Donc l'Éternel nous dit aussi que si une personne est située une nouvelle créature, toute autre chose, ça change, tout est différent. Donc ça nous fait encore une fois, ça nous fait voir encore que il n'y a plus une ligne parallèle entre l'ancien et la nouvelle vie. If you have questions, let us chat. Amen. The Jews, the 12 always the old for them. Bei den Juden ging es immer um das Alte. Donc pour les Juifs, il s'agit toujours de l'Ancien. Now the Christians, for example. Beispielsweise. It is mixed. Es ist ein Mix. Ils sont en train de... They want to mix it. Sie wollen es vermischen. Ils mélangent tout. They want to mix the old and the new together. Sie wollen das Alte und das Neue vermischen. Ils veulent toujours mélanger l'Ancien avec le Nouveau. The old and the new being mixed together will blind you. Wenn das Alte you will be blind. Vermischt wird, dann wirst du blind. Donc si tu es en train de mélanger l'ancien et le nouveau, oui, tu seras aveugle. The boat can never be missed. It's Matthew now. Look at what Jesus said in Matthew now. He called them the old one and the new one. Praise the Lord. They can never be mixed. That is what they try to do. They say, we are saying the same thing. I say, no, no, no, we are not saying the same thing. Donc ils veulent, on peut pas les mélanger parce que eux ils pensent que oui on veut dire même la même chose mais non on parle pas la, le même langage. Praise the Lord. From verse 14. Matthieu 9. They came to him the disciples of John. You know John also have disciples. The Pharisees also have disciples. Donc Jésus avait ses disciples, les Pharisiens aussi avaient ses disciples. Say, what do we and the Pharisees fast oft, but your disciples fast not. They are the Pharisees. They do the same thing. Are you getting it? Donc ils sont même les Pharisiens. Ils sont en train de faire la même chose. You can see that the difference is Christ. Ah, vous voyez le différence de Christus Jésus. Mais tu peux voir la différence. C'est if you see how they believe today, they are so similar. All this religion, they are so similar. Diese Glaubensrichtung siehst. Sehr viele Gemeinsamkeiten haben sie. Sieht sehr ähnlich aus. Tu peux voir avec toutes les religions, ils ont beaucoup de similarités. It's all about them. Es geht nur um sie. Il s'agit toujours d'eux. Amen. And never about the finished work of Christ. Und niemals um, es geht niemals um das fertige Werk von Christus Jesus. Il ne s'agit jamais de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Verse 15. And Jesus said unto them, can the children of this bride chamber mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom shall be taken away from them, and then they shall fast. No man putteth a piece of new clothes onto an old garment. For that which is put in into fit it up, take it from the garment, and the rent is made worse. Neither do men, verse 17, please, neither do men put new wine into old bottles, as the bottle break, and the wine running out, and the bottle perish. But they put new wine into new bottles, and both are preserved. Oh, praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus was just talking about how we don't belong to the old any longer. Jesus hat davon gesprochen, wie wir nicht mehr zu alt sind. Jésus nous fait voir encore et il veut nous rappeler ici que nous on appartient vraiment plus à l'ancien. He said everything. You know, he brought everything new. Everything from him, they are all new, different. Donc tout ce qui lui appartient, c'est vraiment différent. Amen. Now, no, here he's talking about grace and the law. Grace and law. Donc ici, il s'agit de la grâce et de la loi. Amen. He's talking about the word and the truth. Es geht um das Wort und die Wahrheit. Il s'agit de la parole. This very place. Yeah, are you getting it? The word, das Wort and the truth. De la vérité. Amen. And you cannot mix them. Du kannst nicht vermischen. Et tu ne peux pas les mélanger. Grace and law, you cannot mix them. Gnade und Gesetz kannst du nicht vermischen. Tu ne peux pas mélanger la grâce et la loi. Amen. Grace is the truth. Gnade ist die Wahrheit. La grâce, c'est la vérité. Law is the word. Das Gesetz ist das Wort. La John loi, c'est la parole. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. John 1, verse 17. He said, the truth is our grace. Donc la vérité c'est notre grâce. Without the truth, you cannot have His grace. Ohne die Wahrheit kannst du nicht seine Gnade haben. Donc sans la vérité, tu ne peux pas avoir sa grâce. Without obeying what He called the truth, you will not be under grace. You are not under grace. You are under curse. We will start from here on Sunday. Et tu dois obéir à la vérité pour être sous sa grâce. Sinon, tu es si tu n'obéis pas à sa vérité, tu es vraiment sous une malédiction. Are you getting it? Under Christ, then you are under grace. Under law, you are under a curse. That's Galatians 3. If you go and read it. Worte gesetzt bist unter einem Fluch. Donc Galates 3 nous le fait encore voir. Donc si tu es sous la grâce, tu es dans la, si tu es oui, si dans la vérité, dans ça, dans en Christ, tu es sous la grâce. Mais si tu es sous la loi, là tu es sous une malédiction en fait. All these Christians, they are under a curse. And all of them. Donc tous les chrétiens, tous les chrétiens, tous ces religieux, vu qu'ils sont en train d'obéir la parole ou bien, oui, we go to two places in the cross. Ils sont sous. Galatians 3. Quickly go there. Galatians 3. Galatians 3. Praise the Lord. Galatians 3. From 10 to 14. Galatians 3, 10. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, curse is everyone that continue not in all things which are written in the book of the law to do them. But that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith. Verse 12. And the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. Mm. Christ hath redeemed us from the curse of the law, be made a curse for us. For it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. Then we'll close with John 7, please. Go to John 7. John 7, verse 19. John 7, verse 19. John 7, 19. He said, did not Moses give you the law? Moses gave them the law. Moses hat ihnen das Gesetz gegeben. You see that? And John 1 also said the same thing. If you go to John 1, 7. He said, did not Moses give you the law? Then go to John 1, 7. John 1. The same thing is in John 1. Verse 17. John 1, verse 17. He said, for the law was given by Moses. But grace and truth came by Jesus Christ. Mm-hmm. You can see, you cannot miss them. Mm-hmm. It's so deadly to miss them. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wir sehen ganz klar, es darf halt und kann nicht vermischt werden. Donc, on voit que la loi a été donnée par Moïse et la foi par la vérité, c'est la grâce. Donc, ça signifie qu'on doit pas, on doit jamais les mélanger tous les deux. Let me just stop. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Amen. You know, in Matthew 23. Matthieu 23. He said, woe unto you. Il est en train de nous avertir. Woe unto you. You know, the Pharisees then, they are even better than the Christians today. I'm telling you. Donc les pharisiens, ils étaient même mieux que les chrétiens aujourd'hui. Do you know why? Pourquoi? Then they never used the name of Jesus. Damals haben sie den Namen von Jesus nicht genutzt. Parce que là, ils ont même jamais. I don't know if somebody's getting it. But now, with the name of Jesus, they deceive so many. Mit dem Namen von Jesus. So deadly. Mais maintenant, avec le nom de Jésus, ils sont en train de confondre beaucoup des personnes. Et ça, c'est vraiment très dangereux. You know, they anything Jesus, they did not care at all. Mortel, plutôt. Even the name, they were forbidding it. But now, with the name, and they refuse to surrender to Christ Jesus. They are more deadlier than those people. Damals war der Name von Jesus Christus verpönt. Niemand hat ihn genutzt. The so-called Pharisees are shouting Pharisees. They are more deadly than the Pharisees. Weil die Pharisäer ganz klar sich abgesondert haben, gesagt haben, wir wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Aber heutzutage, die Christen, sie nutzen den Namen und sind dennoch Wölfe im Schafsfeld, sind dennoch gehören nicht zur Wahrheit, sondern zur Religion. Und es ist tödlicher und undurchschaubarer als damals bei den Pharisäern. Donc avant, les pharisiens, par exemple, ils n'utilisaient pas le nom de Jésus-Christ. Ils étaient déjà, c'était très mauvais. Mais les religieux aujourd'hui sont toujours en train de faire leurs mauvaises œuvres et ils utilisent le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment mortel ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont encore plus pires et oui que les pharisiens. Praise the Lord. Alléluia. Amen. We could not finish with that of Sunday, but we have.